Thank you. demande-moi, j'ai beau avancer, faire semblant, ton absence crie plus fort que le temps. J'ai voulu tourner la page, mais ton nom s'écrit sur chaque ligne. Hein? Ok. Ouf, stop, boum. Ok, we got a drama. So, Stefan, you can play guitar.